On accueille ce matin Angèle et Hamza. Angèle, tu es coordinatrice périscolaire et action jeune à la ville de Saint-Nicolas-de-Port. Et Hamza, tu es président de Street Harmony. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment ça va déjà pour commencer? Super. Fatigué. Fatigué, t'as raté la super chronique de Mehdi sur comment faire des siestes efficacement. Mais tu pourras l'écouter dans le podcast. Idéalement, c'est 20 minutes, j'ai entendu. Très bien. Je la veux ici. Déjà le meilleur élève. Je te rappelle que maintenant je mange en 20 minutes. Bref. On parle avec vous, on va parler du festival Vibration qui aura lieu ce week-end, ce vendredi 17 et ce samedi 18 à Saint-Nicolas-de-Port. Mais avant ça, on va parler avec toi de Street Harmony, donc l'association qui co-organise avec la ville de Saint-Nicolas-de-Port. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Street Harmony? Ouais. Alors bonjour à tout le monde. Hein. Street Harmony, c'est une asso de culture urbaine qui est basée sur Nancy. Après voilà, on a un rayonnement au niveau du département et on a pour objectif de développer justement cette culture auprès de tout public. Donc notre activité principale reste la danse hip-hop. Donc on donne des cours sur Nancy et à partir de là, on organise quand même pas mal d'événements. On a un gros calendrier tous les ans et entre des conférences, entre des événements type battle. Des stages, des ateliers éducatifs. L'idée, c'est vraiment de démocratiser un peu, même si aujourd'hui, ça l'est quand même. Mais vraiment, cette culture qui est souvent, mal perçue. Et du coup, c'est un peu notre travail au quotidien. Et puis au-delà de ça, voilà, on est une bande de potes et on kiffe, quoi, tout simplement. Et on kiffe ça, j'aime bien, ça me plaît. et je rappelle, on souhaite aussi un bon anniversaire à Street Harmony qui fête ses 20 ans cette année. Ouais, c'est les 20 ans de Street Harmony. Voilà, c'est presque toute ma vie, sachez-le. Angèle, donc tu es coordinatrice périscolaire et action jeune à la ville de Varangéville. À la ville de Varangéville, pas du tout, Saint-Nicolas-de-Port. À côté, voilà, je me suis trompé, mon GPS n'est pas bon ce matin. Est-ce que tu peux nous parler un peu du projet jeunesse qu'il y a à la ville de Saint-Nicolas-de-Port et ce qui est mis en place pour les jeunes qui nous écouteraient ce matin? Alors en effet, mais c'est tout récent, on a monté un service information jeunesse qui est ouvert depuis septembre 2024, donc c'est vraiment tout neuf, qui a été de surcroît labellisé début décembre 2024, également par le label InfoJeune, qui est reconnu par l'État. Donc ça nous permet d'avoir une veille informationnelle plutôt à jour en fait et de nous pas faire les recherches nationalement et régionalement, donc ça c'est cool franchement. Et puis ça nous permet d'avoir aussi un plus grand réseau, que ce soit en termes d'événements, d'outils, de professionnels, de formation, enfin voilà, je vous en passe tant pour les pros que pour le public. C'est adressé aux 11-30 ans mais aussi à leur famille, aux professionnels qui gravitent autour de ces jeunes. Donc quand on s'est rencontré avec Hamza, clairement, ça a matché tout de suite, vu que le public concerné, on a à peu près les mêmes, donc juste pas sur les mêmes lieux, mais... pas sur les mêmes lieux, effectivement. C'est ça. Et donc l'idée de ces services info jeunesse, c'est d'être un centre de ressources pour les jeunes sur plein de thématiques. Donc t'as dit, sur toute la vie, en fait. Ok, sur toute la vie, ok, ouais, très bien. Que soit le budget, la mobilité, le logement, les aides, la santé, ou simplement avoir un ordinateur à disposition. Tous les jeunes ne l'ont pas forcément, on a tous un smartphone, mais c'est pas la même chose, les impôts sur un smartphone qu'un ordi. Donc des fois, ça peut être simplement ça. Donc un lieu d'écoute, tout ce qu'ils veulent, on essaye de répondre aux questions et si on peut pas, on les dirige vers les professionnels adéquats. Par exemple la santé, je serais incapable de répondre sur la santé, donc je vais essayer de les diriger vers un professionnel sur le territoire au plus proche de chez lui, puisque ça s'adresse aux 11-30 ans de la communauté de communes du pays du Sel et du Vermois, donc c'est assez vaste. Ok, voilà. Très bien. Bon, en tout cas, donc c'est le service Info Jeunesse, c'est ça, qui a ouvert. Oui. Et du coup qui est labellisé également. Et dans cette espèce de cadre, en tout cas, de cette motivation d'aller vers la jeunesse. Il y a cet événement ce week-end qui aura lieu donc le vendredi 17. Vendredi 16 et samedi 17 mai, pardon, à Saint-Nicolas-de-Port. Vibration, qu'est-ce que c'est? D'où vient cette idée de vibration? Cette idée, en fait, a émergé à un événement municipal fin juin de l'année dernière. Okay. Où on a fait intervenir l'asso Street Harmony. Sans savoir au départ que c'était Hamza, à savoir qu'Hamza et moi on travaille ensemble professionnellement, on est partenaires de travail sur d'autres projets. Et en fait, quand on a fait appel à son asso, il s'avère que c'est Hamza qui m'a répondu. Donc vraiment le hasard est bien fait pour le coup. Et ils sont intervenus à cet événement municipal qui est la fête des familles à Saint-Nicolas-de-Port. Et franchement, on a adoré ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont présenté, la façon dont ils se sont adressés au public qui est très familial chez nous pour le coup. Et on a vu d'ailleurs que cet aspect familial, en fait, ne connaissent pas du tout les cultures urbaines, ou en tout cas, ou encore les idées reçues qui sont avec ce qu'on dit culture urbaine. Et on s'est dit, bah ouais, pourquoi pas faire venir cette culture urbaine dans le semi-rural qui est Saint-Nicolas-de-Port et la Comcom. Et Hamza a dit, bah ouais, pourquoi pas. Et puis c'est parti comme ça, en fait. Vraiment, c'est parti au détour d'une conversation. Ouais. Ouais, c'était pas du tout prévu hein, initialement, ouais. Mais en tout cas le partenariat, l'idée de ce projet-là, c'était de le co-construire parce que voilà, on est une asso, un organisme, mais l'idée c'est que le partenaire, qui porte vraiment le projet, hein, la mairie de Saint-Nicolas-de-Port, puisse vraiment aussi s'y retrouver rien qu'au niveau de la programmation et puis des objectifs. Donc voilà, on a vraiment co-construit le projet et on a sorti Vibration pour le coup. Et donc justement, on va parler de la programmation. On démarre avec vendredi soir, donc il y a une table ronde autour de la place des femmes dans la culture hip-hop. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Hamza? Ouais. Alors pour le coup, elle va être animée par un intervenant parisien qui s'appelle Plémo, un grand artiste français hein, qui est à la fois reconnu dans la danse, mais aussi au niveau du rap, parce qu'il était aussi agent de certains grands rappeurs comme Sniper par exemple. Pour le coup, il va animer cette table ronde. Il y aura des artistes locales, féminines, qui participeront à cette table ronde. Et l'idée, c'est de parler justement de cette culture et des femmes, hein, parce que pour le coup, c'est une culture qui, dans l'idée des gens, est très masculine. Mm-hmm. Or, on constate que rien que dans nos élèves, on a 80% de filles. Donc c'est tout à fait paradoxal, mais du coup justement c'est d'échanger avec des artistes locales pour voir un peu leur avis et elles ont un rôle super important hein, dans cette culture là. Donc voilà, ça c'est la thématique du vendredi soir. Ça se passe à l'autre filature, donc c'est une salle qui est à Saint-Nicolas-de-Port. Ok. Et du coup voilà, ça c'est le premier temps fort de ce festival qui servira de temps d'ouverture aussi. Et après, le lendemain, grosse journée à Saint-Nicolas-de-Port, on espère que la météo sera avec nous. Avec dès le matin à partir de 11h, des ateliers. On aura plein d'ateliers différents. Tu peux nous en dire un peu plus et puis les intervenants aussi qu'on retrouvera. Alors ouais, ce festival se veut être aussi participatif. C'est-à-dire que là, on a ce côté culturel et historique la veille. Et là, on commence à 11h avec des ateliers qui sont ouverts à tout public, qui sont totalement gratuits. De toute façon, l'intégralité du festival est financée par la mairie de Saint-Nicolas. Il est totalement gratuit. Je tiens à le signaler parce que c'est quand même important. Il n'y a pas d'entrée. Et pour le coup, il y a des ateliers, par exemple, sur la danse, enfin, autour de la danse hip-hop. Donc, on a des jeunes qui vont animer un atelier. On a du beatboxing, du beatmaking, pardon, de la composition musicale. On va avoir de l'écriture avec Lisco, par exemple, artiste nancéen. On a un atelier graphe. On a aussi des ateliers autour de la culture hip-hop. Justement, on tenait à avoir un atelier autour de ce sujet-là pour voir un peu les stéréotypes liés à cette culture-là. Donc voilà, on fait de la médiation culturelle concrètement de 11h à 14h30. Ça, c'est la première phase de cette journée-là. Et l'après-midi, on a un battle. Alors, tout le monde n'est pas forcément familier avec le battle, évidemment. Je le rappelle, petite info très importante, on ne dit pas une battle, on dit un battle. Sachez que si vous venez à nos événements et que vous dites une battle, je ne sais pas qu'il va vous arriver des bricoles, mais en tout cas, on va vous le rappeler. On vous enverra The Voice. On vous enverra The Voice, on dit une battle, mais dans le monde de la danse hip-hop et même du hip-hop en général, on dit un battle, y compris pour un battle de rap. On a un battle, du coup, qui s'appelle le battle Last One, qui est un battle avec un concept un peu particulier, qui sort tout droit des cerveaux de Street Harmony. De Camille même, voilà Camille, je sais pas si tu nous écoutes, mais en tout cas on t'embrasse, et si tu nous écoutes pas, tu écouteras le podcast. Avec donc un battle qui aura lieu l'après-midi, donc toujours au niveau du City Stade. Alors voilà, le samedi tout se passe au City Stade, au skatepark de Saint-Nicolas-de-Port, plus précisément, puisque le battle se fait au sein du City Stade, c'est plus ça la précision, et du coup le battle Last One, c'est un battle sous format de championnat. Chose qui se fait pas non plus souvent. Donc l'idée c'est de se calquer sur un peu 4 poules en fait. Donc les danseurs et les danseuses qui viendront de France ou d'Europe pour le coup vont s'affronter en dansant. Donc il y aura 16 danseurs qui seront présélectionnés. Chaque danseur pourra s'affronter au sein de cette poule là. C'est un peu le même principe que la Champions League. Hein, pour l'ancien format, pour ceux qui se souviennent. Tout le monde s'affronte et pour le coup, les deux meilleurs sortiront de ces poules-là pour s'affronter en élimination directe. Donc voilà, le battle est ouvert à tout le monde. On a très souvent des personnes qui débutent, qui veulent... Parce qu'avant de rentrer dans ces poules, il y a une qualification et du coup, tout le monde peut y accéder. C'est vraiment bonne ambiance, comme tu disais tout à l'heure, Angèle. C'est très familial, même le battle. Il y a une très bonne ambiance. Et du coup, ce battle-là, on a la chance d'avoir trois artistes dans le jury de renommée internationale. On a quelqu'un qui vient, un Français du coup, qui vient de Norvège pour le coup, qui s'appelle Niako, danseur vraiment très très connu. On a Clara, donc Caillou, qui vient de Paris, j'ai perdu le troisième. Balou, qui nous vient, désolé Balou, qui nous vient de Belgique. Donc on a un jury qui est assez intéressant et vraiment de haut niveau. On a un speaker donc qui sera Plémo, tout à fait. Et puis et on aura un DJ qui ne sera d'autre que DJ Zoom, et qui est Hamza, qu'on écoute à l'instant T. Merci de le dire, je voulais pas le dire. Ouais, j'ai bien senti. Donc voilà, ça, c'est la partie battle qui est le temps fort, pour le gros temps fort de l'événement. Weekend, ouais. En sachant qu'en plus il y a une implantation assez sympa, c'est au sein du City. On a de beaux gradins qui nous sont mis à disposition par ces territoires, donc franchement ça va être vraiment sympa. Et en parallèle, pour les personnes qui veulent aussi un peu voir autre chose, on a SBN qui vient pour de l'initiation skate et BMX, donc ce sera en parallèle du battle. Donc il y a cette possibilité là aussi pour les gens. Et aussi à côté de ça, on a Simply Odd, une asso de Vendeuvre, qui va venir faire une fresque en direct, donc l'après-midi, un graphe qui posera directement, qui s'amusera aussi de son côté. Et enfin, pour finir, il y aura aussi une scène ouverte et qui aura lieu donc après le battle, à la toute fin de journée. Pareil, ouverte à tous, présentée par moi, avec Tismé, qui est aussi un des membres de l'association, qui sera là pour lancer du son, etc. Donc scène ouverte, prenez votre talent et puis votre courage surtout, et montez sur scène pour passer un petit moment avec nous. Et le lendemain, le dimanche, mais ça c'est à Nancy, il y a des stages. Oui, ça c'est purement avec l'asso. Sur Nancy, on les organise à la MJC Lillebonne, on organise des stages qui sont alors pour le coup, il faut avoir un minimum, il faut être un minimum initié, parce que les intervenants sont quand même, enfin bon, ça va aller vite quoi. Voilà. Donc l'idée, enfin voilà, même si les stages, enfin c'est cool d'avoir des personnes, mais l'idée, si c'est pas bénéfique pour le public, ça sert à rien. Donc là, on est quand même assez honnête sur ça. Il faut avoir un minimum de pratique dans la danse hip-hop pour pouvoir y participer. Voilà, donc maintenant vous savez tout sur le festival Vibration qui se tiendra les 16 et 17 mai prochains, donc à la fin de cette semaine. Vous retrouverez des plaquettes à Fadjet si vous passez dans les locaux. Une particularité, une précision pour Vibration, c'est un festival pour le coup qui cette année porte sur les cultures urbaines. Mais il y avait cette volonté de créer ce festival-là pour qu'il puisse être pérennisé, mais surtout sur d'autres thématiques. Là, on est sur Vibration édition culture urbaine, mais voilà, on peut travailler sur d'autres choses. L'idée, c'est que la mairie de Saint-Nicolas puisse se réapproprier le projet, voilà, et exactement, l'utiliser dans d'autres esthétiques. Vous retrouvez toutes les infos sur le Instagram de Street Harmony, donc Street, STREETHARMONY, Street Harmony, Harmony en anglais, et aussi les infos sur le site internet, la page Facebook de la ville de Saint-Nicolas de Port. Merci beaucoup Hamza, merci beaucoup Angèle.